Bonsoir, bonsoir, vous écoutez Canal Sud. Canal Sud de 92.2 FM ou canalsud.net. C'est effectivement l'antenne que vous écoutez, celle de Canal Sud, à Toulouse, en France. Il est à peu près 21h et c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, cette émission de toutes les nuisances qui débutent. Pour rappel, l'émission Nuisance est une émission d'expression libre à tendance bruiteuse, pour dire le moins. Et elle s'adonne à toutes sortes de tergiversations pendant et hors antenne. Et pendant ce temps, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Passez une bonne soirée en notre compagnie. Vous êtes les bienvenus. On vous entend pas. Il poussait le bouchon loin de la mare où surnageaient des cadavres de mouettes migratrices, car cette pièce d'eau ne saurait être le repère des cochons sauvages traînant dans le coin. Non, l'oubli de soi, le fantôme à lui-même, son enveloppe charnelle lui donne envie de se mutiler. Comme nous le disions tout à l'heure, Nuisance est une émission d'expression libre qui se fait pirater des fois. On n'y peut rien, c'est plus fort que nous. Les gens aiment pirater les gens. Les gens, eh bien, il y en a sur Terre. N'est-ce pas qu'il y en a un ? Et donc justement, en parlant de ça, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Donc on va essayer de parler de cette nuit, ou c'est tard, c'est la nuit. I've held on. C'est tard, c'est la nuit. On to you. I've held and helped. C'est tard, c'est la nuit. The train station. C'est tard. Je suis aussi tenu à laisser les mains propres. C'est la nuit. Faire leur sale travail. C'est tard, c'est la nuit. C'est tard. C'est la nuit. C'est la nuit. c'est tard, c'est la nuit de... C'est tard, c'est la nuit de... C'est tard, c'est la nuit. Parler de l'obscurantisme, et bien nuisance, c'est, on est totalement pour ça en fait. On est totalement pour l'obscurantisme et pour la névrosie. Dernièrement, parler de l'obscurantisme, c'est bien faire un peu. Et bien nuisance, c'est un peu totalement pour ça en fait. On est totalement pour l'obscurantisme et pour la névrosie. Monter les casques aussi, monter les casques. Ouais, vas-y, monte les casques. Ah ouais, vas-y, maintenant, tu vas faire un peu obscurantisme. Obscurantisme, casque aussi. Obscurantisme. Ouais, vas-y, monte les casques. Ouais, obscurantisme. Obscurantisme. Un peu obscurantisme. Obscurantisme. Obscurantisme. Obscurantisme. Obscurantisme. Ouais, vas-y, monte les casques. Obscurantisme. Obscurantisme. Un peu obscurantisme. Obscurantisme. Obscurantisme. Obscurantisme. Obscurantisme. Ouais, vas-y, monte les casques. Obscurantisme. Obscurantisme. Un peu obscurantisme. Obscurantisme. Obscurantisme. Obscurantisme. Obscurantisme. Ouais, vas-y, monte les casques. Obscurantisme. Obscurantisme. Un peu obscurantisme, obscurantisme, obscurantisme, casque, obscurantisme, obscurantisme, vas-y, monte les casques, obscurantisme, obscurantisme, obscurantisme, obscurantisme, obscurantisme, obscurantisme, vas-y, monte les casques, obscurantisme, obscurantisme, intrigues, doesn't it? There is something about nothing that intrigues, doesn't it? There is something about nothing that intrigues, doesn't it? Nothing? You scared what I mean? As-tu compris tout de suite la question? As-tu compris tout de suite la question? The question is not. It's all about it. You just gotta know what you're doing, you know. Il faut savoir ce que tu fais, là. Tu regardes les choses en face. It's all about it. Merde, excuse-moi. Attends, je recommence. Have you ever seen the question right in front of you and you don't know what you're saying, you know? Oh, that's just what I'm doing right now. Et t'as déjà été dans la question et tu comprends pas ce que tu fais, tu comprends pas ce que tu dis, tu comprends rien en fait. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là, c'est un truc précis. Voilà. C'est ça. T'as déjà été dans la question, face à la question, là, tu face à la question, tu comprends pas, tu comprends rien en fait. C'est exactement ce qui est en train de se passer là, c'est un truc précis. C'est cool. Rien à foutre. T'as été dans la question, face à la question, là, tu face à la question, tu comprends pas, tu comprends rien en fait. C'est exactement ce qui est en train de se passer là, c'est un truc précis. C'est cool. Rien à foutre, j'ai été dans la question, face à la question, quand tu fasses la question, je comprends pas, je comprends rien, je comprends rien, c'est exactement ce qu'on s'est trop fort, c'est toi, c'est toi, c'est cool. Rien à foutre, j'ai été dans la question, face à la question, quand tu fasses la question, je comprends pas, je comprends rien, je comprends rien.

Danger, soutenant le corps sur son machine, machinement mécaniquement ralenti. Pour moi, je suis sur le point d'être jeune, je n'ai pas comme une pistolet à fond, vendu, peut-être là-haut, peut-être nègre. Je suis devant le migraine en présence du chauffeur, qui volume, et mon salon bras dans le bras, l'œil Danger, soutenant le corps sur son machine, machinement mécaniquement ralenti. Pour moi, je suis sur le point d'être jeune, je n'ai pas comme une pistolet à fond. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud, Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, enfin on peut le dire, sans brouhaha incessant et fioriture en plus. Non mais c'est incroyable ce qu'on peut être dérangé dans une émission pareille. J'aimerais s'il vous plaît que vous vous taisiez, messieurs, dames, pour écouter la grande et belle musique que nous avons en nous-mêmes et qui doit sortir des fois. On peut être dérangé dans une émission pareille. J'aimerais s'il vous plaît que vous taisiez, messieurs, dames, pour écouter la grande et belle musique que nous avons en nous-mêmes et qui doit sortir des fois. On peut être dérangé dans une émission pareille. J'aimerais s'il vous plaît que vous taisiez, messieurs, dames, pour écouter la grande et belle musique que nous avons en nous-mêmes et qui doit sortir des fois. On peut être dérangé dans une émission pareille. J'aimerais s'il vous plaît que vous taisiez, messieurs, dames, pour écouter la grande et belle musique que nous avons en nous-mêmes et qui doit sortir des fois. On peut être dérangé dans une émission pareille. Thank you. I'm gonna go to the hospital. Sans les pieds, sans les sept nains, sans les niais. Mes pages chez mon tailleur de pipe cassé, la bite sur les dents, acérée dans le ciel, le tigre, les doigts de pied moisis, toi là-bas, crève, la petite vache, des tailleurs de pipe, je te le souhaite, la bite sur les dents, heureusement, il y a l'anus, bordel de merde, qui pue la merde, bordel de merde, qui pue la merde, pointe à la lune, t'en vas la bite au trou, qu'à la fin elle s'infecte. De pure lune et de pu verdâtre, et saignant comme un steak. File-moi ta bite, à sucer ton gland, je suce ta bite, ton gland qui pue la merde. Après m'avoir enculé, je te baise encore, salope de merde. Maman, papa, papy, mamie, cousin, Suzy, ni frère, ni sœur, nous niquons tous leur gueule de pute. Ces enfants de salauds, qui se pissent, bisque de homard, flétri à la moelle de pute. Cousin, Suzy, ni frère, ni sœur. D'heure en heure, il est trop tard pour niquer donc. Tuons cette armée mienne. Je suis le seigneur de cette terre, France, douce France. Je vomis franchement sur les enfants du seigneur sanguinolent. C'est puant comme une auberge de jeunesse pourrie. Je bouille, non bouille, dans de l'huile tiède. Sur les enfants du seigneur sanguinolent. C'est puant comme une auberge de jeunesse pourrie. Je bouille, non bouille, dans de l'huile tiède. Nuisance, l'émission qui nuance, cette émission de toutes les nuisances sur Canal Sud. Doing drugs, money spent over, no money left, no leafed clover. All is gone to pots, depreciative solus, un problème. Un temps soit peu versé jusqu'à la moelle. Dépense plus de dorsale que cette colonne là, non mais faut pousser la mémé dans le bus. Crever les abcès d'une même jusqu'à la moelle, n'a qu'un œil purulent. Quant à Chloé, cloaqué, puant, ça c'est sûr et je mens. Pas c'est vrai, de merde, non, c'est vrai, merde. De crever à crever l'abscons, inconsidérable territoire qui n'a d'adversité que le terroir de panoplie mal usée. The docking of haystacks, a word for porridge, for sure. I'd wanna miss something, we'd wanna miss. Prise de l'écrit, chose change, diriger soi, bande peut-être raide, l'envers du décor, la connaissance égale à la souffrance, sapience, satiété de vin de fou, douceur non doucereuse, mano transcendance, danse petit fou, danse avec tes pieds dans le temps, c'est dur mais plutôt épurément doux, caresse, sans danse, montrer tout du moins, car un nom rictoïde, formulante de soi à soi vers soi ou quoi, l'importance, l'importance, enjeu, peur, mécréance, s'infinit vite par l'irritation, pour éviter peurs et anxiétés, merde non, ce n'en finit pas de bouger, de transformer la soi-disant soi, car projection, transfert sur l'écran secret, non ce n'en finit pas de se muer, je change la chose, les choses, car projection. Coming back, damn it, shit. Do you want me enough so as to convince me? Damn it, shit, shit. Could I know? Last my pen with a thought. You want ending, ending the shit. I'm doing to myself good. Ending it finally, end of it, end. This is where and when and now. Shit, now, shit. This is when, where, whatever it over with, over. Je me démange. Je me démange le grattement qui me parle après coup. Et d'ici à là-bas, fini, fini, c'est sûr, jusqu'au bout. En ratant de quoi que ce soit, certitude suffisamment seulement bon.

Effectivement, oui. 92.2 FM ou canalsud.net, il est 22h15, c'est Nuisance, l'émission qui nuisance, l'émission de toutes les nuisances qui bat son plein. Et vous avez parlé du racisme, d'épargne, eh bien tout cela est dilapidé, gaspillé. Car je vous lance une accusation directe. Vous êtes au poste que vous occupez directement responsable de l'aggravation du nombre de, des immigrés dans notre pays chaque année. Votre Je vous lance une accusation directe. Chaque année, votre politique laisse ou fait rentrer dans notre pays 500 000 immigrés supplémentaires et je vous mets au défi de dire exactement. Rock my face in a bonfire, baby. Ce droit du sol, l'humanité, réforme du code de la nationalité. Une réforme du code de la nationalité. Par lequel vous croyez être devenu. Par lequel vous croyez devenu français, par le droit du sang, c'est-à-dire par votre maman. Mais je vais vous donner. Vous saviez même. Par lequel vous croyez devenu français. Mais non. Bienvenue si vous venez d'arriver. La folie est totale. Les gens sont imbriqués les uns dans les autres et se pètent la gueule les uns aux autres. Ah, ça y est, on s'y trouve. Enfin, le chaos a pris le dessus et on a tout abandonné. La logique, le savoir, l'amour, tout est dans la poubelle cosmique qu'est l'émission Nuisance. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Thank you. Dédicace cette émission à toutes les personnes qui vont aller en boîte là en Toba là, donc vous allez en Toba, vous êtes en voiture et vous écoutez Nuisance, Canal Sud 92.2 FM. C'est génial, je suis trop heureux pour vous, vous avez vraiment de la chance. Qui vont aller en boîte là en Toba là, donc vous allez en Toba, vous êtes en voiture et vous écoutez Nuisance, Canal Sud 92.2 FM. C'est génial, je suis trop heureux pour vous, vous avez vraiment de la chance. Qui vont aller en boîte là en Toba là, vous allez en Toba, vous êtes en voiture et vous écoutez Nuisance, Canal Sud 92.2 FM. C'est génial, je suis trop heureux pour vous, vous avez vraiment de la chance. Bienvenue. D'accord. Ah oui. En fait, oui. Non. Et là, non. Non. Oui. Bienvenue. Bienvenue. D'accord. Ah oui. En fait, oui. Non. Et là, oui. Non. Oui. Bienvenue. Bienvenue. D'accord. Oui. Oui. Non. Non. Non. Oui. Bienvenue. Bienvenue. D'accord. Ah oui. Oui. Non. Oui, non, non, oui. Bienvenue. Bienvenue. D'accord, oui. Oui, non, non, oui. Bienvenue. Bienvenue. D'accord, oui. Oui, non, non, oui. Bienvenue. Bienvenue. D'accord, oui. Oui, non, non, oui. Bienvenue. Bienvenue. D'accord. Ah oui. Oui. Oui. Oui. Non. Non. Non. Oui. Bienvenue. Bienvenue. D'accord.

teaching a military band. We were not the first atomic bomb. The first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military band. L'usance se termine sur une note de joie. Une note de joie dans un monde horrible, un monde sans tergiversation, un monde de merde, il faut l'avouer quand même. La vie n'a aucun sens. Place. Is a place of